En 35 ans de carrière, il a toujours suivi les règles. Toute ma vie, j'ai eu pour ambition d'être une personne honnête. Mais pour sa dernière nuit en service, sa vie entière va basculer. Dernière nuit à Milan. Après Le Traître, Pierre Francesco Favino revient dans un thriller haletant. Présenté au dernier festival de Berlin. Dernière nuit à Milan, le 7 juin au cinéma. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Marie-Hélène Lafont, est-ce que vous avez déjà éprouvé le complexe rural ? Non. J'en ai éprouvé l'inverse, l'envers du complexe rural. Donc on doit pouvoir dire que j'ai éprouvé le complexe rural puisque je l'ai éprouvé à l'envers. C'est-à-dire j'ai éprouvé la pulsion d'orgueil rural. En quoi ça consiste ? Une obscure et tenace fierté d'en être. Moins d'être issu du monde rural que de venir d'un ailleurs. D'avoir ce privilège d'un ailleurs. Comme une doublure secrète. Une belle doublure secrète. Secrète, hein, c'est-à-dire qu'en général, on n'en dit rien. On le garde pour soi. Mais ça tient en rapport au paysage. Ce qui, pour moi, est vraiment fondateur, nourricier, essentiel, jubilatoire, éperdument, c'est le rapport au paysage, dans lequel le hasard de la naissance m'a placé. Ça a tenu une place énorme. Et en fait, ça l'a gardé. Et je crois que c'est ça, c'est ce rapport-là, qui m'a tenu éloignée de ce qu'on appelle le complexe rural, au sens d'avoir des complexes de venir d'un trou. Voilà. Ou d'être né au cul des vaches. Parce que je ne confonds pas monde rural et monde paysan, mais j'ai presque envie de vous dire, j'aurais des circonstances exténuantes, parce que non content de venir du monde rural, en effet, d'y avoir grandi, en plus, je suis né dans une famille de paysans. Et j'aime bien cette expression, au cul des vaches, parce que c'est vrai que quand on les pousse les vaches pour les emmener au pré, ce qu'on voit d'abord, c'est leur cul. C'est là qu'on est. Et cette expression-là, et le mépris qui entourait le fait d'être enfant de paysan, je l'ai connu très tôt, je l'ai connu au pensionnat. Donc, j'ai toujours eu de la ressource pour m'en défendre. J'ai pas tellement le sentiment que ça m'ait mise en danger. Complexe rural, un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Gaëlle Gillon. Quatrième épisode, choisir de revenir. Marie-Hélène Lafont et Juliette Rousseau ont grandi à la campagne, l'une dans les montagnes du Cantal, l'autre en Bretagne. Elles ont arpenté les forêts, parlé aux arbres, coursé les bêtes, et puis elles sont montées à Paris pour écrire. Partir, c'était une question de survie. Du temps est passé, la vie. Et depuis, l'une revient régulièrement au pays et l'autre s'est réinstallée dans le hameau de l'enfance. La capitale les a modifiées. Elles se sentent parfois étrangères dans le regard que les gens du coin posent sur elles. Mais elles n'ont pas oublié l'odeur des foins coupés et la mousse des sous-bois. Et quand on ouvre leurs livres, ça se sent. Juliette, est-ce que tu pourrais nous emmener sur là où t'allais quand t'étais enfant, là où il y avait un taureau? Ouais, carrément. C'est juste là en fait. C'est de l'autre côté de la route? Ouais, c'est juste de l'autre côté de la route. Quand j'étais enfant, il y avait un verger de pommiers juste là, à gauche. Du coup, on jouait ici et on avait interdiction d'approcher du taureau. Donc on se faisait des jeux à la con, on s'approchait du taureau, on faisait style qu'on allait rentrer dans la parcelle, et puis en fait on y rentrait, on ressortait en courant, etc. Ouais. mais il est plus là. Il n'y a plus de taureaux, en fait, il n'y a plus de taureaux nulle part. Juliette Rousseau. Ça va être un peu morbide comme description, parce que je vais être obligée de vous décrire tout ce qui a disparu. On allait un peu par là, en bas, il y a un étang là-bas. On peut y aller ? On peut y aller, ouais, carrément. Je suis un peu embêtée à l'idée que les voisins me voient, mais voilà, c'est pas grave. Avec un micro ? Ouais. Il y a un étang un peu plus bas, donc il y avait une allée de chênes, de très vieux chênes, qui ont été coupés il y a pas très longtemps. J'étais pas encore revenue habiter ici, mais ça m'a pas échappé. De toute façon, il y a aucun arbre disparu ici ne m'a échappé, même quand j'habitais pas ici. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé ? Eh ben, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un peu en contrebas, là, il y a une 2x2 voies qui relie Rennes à Angers, qui n'existait pas. C'était une départementale. Concrètement, on entend tout le temps la route maintenant, ce qu'on n'entendait pas du tout quand j'étais enfant. Avec beaucoup de poids lourds. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est nouveau ? Il y a ça, là, où on arrive. C'est une fosse à lisier, voilà. Quand on grandit dans une campagne comme celle-ci, où il y a des fosses à lisier, puisque c'est pas toutes les campagnes, on a toujours tous des histoires de morts dans les fosses. D'enfants ? Notamment d'enfants, ouais. Alors aujourd'hui, il y a des normes, les fosses sont surélevées, et ça fait qu'il y a moins de morts accidentelles, mais il y a par contre toujours des suicides, comme ça. Alors, en même temps, c'est la manifestation très claire de la dimension productive industrielle de ce territoire. On produit tellement qu'on produit beaucoup trop de merde, en fait, et il faut la mettre quelque part. Donc on la met dans ces endroits-là. Moi, j'allais beaucoup pêcher dans un autre petit étang qui est derrière. Il y a des grenouilles, il y a tout un... Vous voyez là, on voit des canards qui s'envolent, mais il y a des hérons, il y a des ragondins... Je m'en lasse pas, je sais pas pourquoi, parce que franchement, c'est incroyable comme paysage. Mais je pense que ça fait partie de ma façon d'habiter ici, peut-être. Il y a tous mes voisins qui vont passer. Quand je disais que j'avais peur qu'ils me voient. La première étape, c'est le pensionnat, donc. Hein. C'est à une heure de route, c'est à 60 km, mais c'est déjà une partance considérable. D'abord parce qu'on est interne. J'ai adoré être interne. Hein. Marie-Hélène Lafont. Et que, à l'internat, il y a d'autres filles de paysans, mais il y a aussi des filles qui ne sont pas issues du monde paysan, dont les parents sont artisans, commerçants. Donc déjà, elles ont des usages différents. Voilà. Et... il y a surtout les demi-pensionnaires et les externes, qui, elles, habitent dans cette petite ville, parce que Saint-Flour, c'est une petite ville. Une ville à la campagne, disait jadis le slogan publicitaire de Saint-Flour. C'est une petite ville. Et dans ces années-là, vous voyez, les années 70, hein, les internes, externes ou demi-pensionnaires sont souvent issus soit des familles de commerçants prospères, soit même des familles de notables. Voilà, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes... mettent leur fille dans cette école. Et alors, celle-là, elle s'y emploie à toiser les paysannes. Et, vous voyez, par exemple, nous, nos habits sentent. Alors, ils sentent pas forcément la bouse de vache, mais ils sentent parce que quand on est pensionnaire, on fait sécher les vêtements, on lave les vêtements le samedi quand on rentre du pensionnat, et puis il faut les faire sécher rapidement pour refaire les valises, pour repartir. Et on les fait sécher souvent dans les cuisines. Et ben, dans les cuisines, il y a les grosses nourritures agricoles, hein. Il y a la soupe de légumes, il y a le pot-au-feu, etc. Donc il y a des odeurs de nourriture, etc. Nos habits sentent. Ils sentent la nourriture. Puis, éventuellement, c'était peut-être mon cas, je ne m'en rendais pas compte. Peut-être que nos manteaux, je ne sais pas, ou nos chaussures sentaient un peu la bouse aussi, c'était possible. En tout cas, on était des filles de paysans, nous le faisait sentir. Et moi, dès cet âge-là, ma réplique, au sens d'une réplique sismique, c'était l'excellence scolaire. une des raisons essentielles pour lesquelles j'ai tenu à rester une excellente élève, et c'est une très mauvaise raison. Ça m'a bien servi dans la vie, hein, mais c'est une très mauvaise raison. C'était que, voilà, j'entendais leur faire comprendre que je pouvais éventuellement leur tenir la dragée haute. Donc, vous voyez, j'avais une conscience aiguë, un peu mesquine, de la lutte des classes, on va dire. Hein. Mais j'avais aussi, en même temps, une sorte d'enchantement à connaître ces paysages, à connaître ces lieux, à avoir rendez-vous le dimanche après-midi avec le être. Il y avait un être avec lequel j'avais rendez-vous auprès de l'arbre, vous voyez. Et bien ça, c'était rien que pour moi, c'était comme un trésor. Je l'ai gardé toute ma vie, je l'ai encore. Et ça peut paraître étrange ce que je dis là, mais je crois vraiment que ça m'a gardé de l'aigreur. L'aigreur, c'est douloureux, c'est corrosif. C'est inépuisable, on n'en finit pas, ça vous colle pour toujours à la peau, vous voyez. T'as eu besoin de revenir? Je suis revenue au début de la pandémie. Et puis je suis pas repartie, quoi. Voilà. Et t'en es heureuse? J'ai l'impression que j'ai beaucoup été dans la fuite dans ma vie et que revenir ici m'amène à ne plus être dans la fuite et à essayer de comprendre pourquoi il a fallu fuir. Donc, heureuse, en tout cas, en vie. En tout cas, plus en vie ici qu'ailleurs, ouais. C'était une évidence, quoi. À partir de l'adolescence, il était évident que le seul avenir possible, c'était de partir. Je voyais pas trop quelle vie je pouvais avoir ici, de quoi je vivrais, quel boulot je ferais, quelle vie affective aussi. Juliette Rousseau. Concrètement, ici, si tu reprends pas une ferme familiale, il n'y a pas vraiment de raison de rester ici. Là, tu restes ici si t'as vraiment pas le choix, quoi. Si t'as pas les moyens de partir. Mais pour moi, qui viens d'une famille qui m'a donné les moyens de faire des études, c'était une évidence que l'avenir, c'était de partir. Et d'ailleurs, tous mes potes d'enfance qui ont pu partir sont partis aussi. Parce qu'à l'adolescence, ici, on s'ennuie terriblement. Puis parce que on a quand même... Ça, je le dis aujourd'hui, à l'époque, je n'en avais pas conscience, mais on a quand même intégré l'idée que la vie, la vraie, c'était pas ici qu'elle se jouait. Vous étiez la seule fille de paysan à la Sorbonne? Ah ben ça, à étudier les lettres classiques en 1980, assurément. Assurément, oui. Et... encore une fois, j'avais plutôt la pente de l'orgueil que celle de la honte. Mais j'ai bien conscience qu'elles sont profondément liées, hein, que l'une peut être compensatoire de l'autre, et que l'une peut être une façon d'éviter de voir l'autre, parce que c'est trop douloureux, ou ça, c'est pas supportable. Donc on peut se rabattre sur l'autre versant des choses. Puis j'avais une nature combative aussi. Vous parlez d'orgueil pour en écho à la honte. Qu'est-ce qui pouvait être douloureux? C'est de se faire écraser la gueule. Hein. C'est jamais plaisant. Par qui? Par les autres. C'est-à-dire par ceux qui sont, voilà, qui sont du bon côté. Et avec vous, avoir le sentiment qu'on n'est pas né au bon endroit et qu'on n'en sortira jamais. Vous voyez? Donc, je me suis mise en mode guerrière, guerrière des études, je vais vous écraser la gueule, je serai meilleure. Sauf quand je suis arrivée à la fac, par exemple, je ne savais pas ce que c'était qu'une classe prépa et je ne savais pas ce que c'était que l'agrégation non plus, hein, je l'ai appris à tâtons. Hein. J'y allais un peu à la sauvage quand même. Hein. J'ai adopté ce mode-là plutôt, si vous voulez, que de me retrouver dans une position, voilà, de petite souris qui mendie sa place et qui a peur de tout et de tout le monde. J'avais peur tout le temps, de toute façon, donc autant faire semblant. Hein. Je faisais bien semblant, voilà. Et je crois que cette façon d'être, là, tout en énergie, un truc de guerrière, quoi, qui était très violent, hein, très, très, très, très violent, et puis qui était très réducteur aussi. Vous voyez, j'avais des œillères, comme ça. Bon, ça me protégeait. Ça me protégeait du risque d'être écrabouillé, quoi. Écrabouillé. Oui, être renvoyé à son à son indignité sociale, à sa crasse culturelle, à tout ce qu'on n'a pas et qu'on est voué de toute éternité à ne pas avoir, parce que je viens d'un monde immobile dans lequel on doit garder, rester à sa place et fermer sa gueule. J'ai mis ça, si vous voulez, à distance, en, oui, en m'enfermant comme ça dans un recours systématique à ce que j'appelais, moi, l'excellence scolaire. C'est très relatif, c'est une notion très relative. Hein. Le travail. La norme, voilà. Exceller dans la norme. Voilà. Et alors, en effet, exceller dans la norme, ça, c'est un peu réducteur, parce qu'en effet, le recours au travail, être capable de recourir au travail, être capable de se rassembler pour le travail, c'est quand même un recours puissant dans l'existence. Et quand on l'a pas, on est souvent bien embarrassé. Et c'est dans ces années-là que je l'ai forgé, vraiment. Et cette énergie du travail, est-ce qu'elle venait aussi du travail physique au champ ? Bien sûr, bien sûr. Elle venait totalement de là, c'est évident. Et ça, je crois que je l'ai senti, enfin, vous voyez, je l'ai vu très tôt, enfin... Oui, oui, bien sûr. Elle venait du fait que, alors, c'est pas du tout spécifique à ma propre famille, hein, mais quand j'avais 10 ans, dans toutes les familles paysannes, dans toutes les fermes, on faisait travailler les enfants. Alors, c'était pas le bagne, hein, mais par exemple, on gardait les vaches. Hein, et puis ça, on pouvait le faire quand on était vraiment petit, hein, j'avais 8 ans à peu près. Voilà. Et puis après, dès qu'on grandissait un petit peu, on participait vraiment de manière très active au foin, parce qu'on râtelait encore. C'est-à-dire qu'on allait chercher vraiment la moindre poignée de foin dans les recoins les plus écartés. Et ça, c'était tout à fait à la portée d'enfants de 10, 12, 13, 14 ans, fortiori. Donc, on avait vraiment une place dans l'économie domestique des foins. Et donc, on faisait ça. Et ça veut dire qu'il fallait être résistant, il y avait une tâche à accomplir. Alors, j'avais un père extrêmement autoritaire, donc il ne s'agissait pas de se dérober. Et je crois que j'aimais ça, en fait. Nous avons vraiment appris... Le travail au long cours, quoi, la ténacité, on commence et on lâche pas avant d'avoir fini, quoi. Ça, c'est énorme. Et j'ai gardé ça. Je me souviens très très bien quand je faisais des versions latines. J'en ai bouffé des versions latines parce que j'avais des lacunes énormes. J'apprenais des listes de vocabulaire par cœur, par cœur, par cœur. Je les répétais. Mais on commence au début, on s'arrête à la fin. Il y en a 100. Très peu besoin de loisirs, très peu besoin de divertissement. Travailler tout le temps. Parce que, alors, pour le coup, dans l'univers dans lequel j'ai grandi, les adultes étaient toujours mobilisés par le travail. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pauses dans le travail paysan. Hein. Mais, ben, les vaches, il faut les traire tous les jours. Hein. Le matin et le soir. Hein. Et quand on fabrique, c'était le cas de mes parents, du fromage, eh bien, le fromage, on le fabrique le matin et le soir, tous les jours. Sinon, le lait est perdu. Voilà. Donc, je pense vraiment que ma façon d'en user avec les études, le travail des études, elle est extrêmement liée à mes origines paysannes. Oui. Et vous voyez, comme elle a produit immédiatement des résultats qui étaient valorisés et qui étaient valorisants, hein, eh bien, ça m'a confortée, entre guillemets, dans le fait qu'on pouvait être fier, on pouvait même en avoir de l'orgueil. Hein, parce que, voilà, on avait du jus, quoi. On n'était pas seulement en moins, vous voyez. Voilà. On n'était pas seulement moins que les autres. Parce que ça, je l'ai entendu toute ma vie. Hein. Puis après, au lycée, je suis partie en internat, à Laval, qui, pour moi, à l'époque, c'était vraiment genre la grande ville. Et en internat, j'étais essentiellement en fait, avec des filles de mon âge qui venaient de la campagne aussi. Et ce que m'apportait l'internat, on échange quand même d'une vie un peu cadrée, parce que c'est quand même particulier l'internat, encore plus quand on est une fille, je pense. Mais n'empêche que les semaines à l'internat, je dépendais pas de mes parents pour me déplacer, que j'avais une heure par jour où je pouvais juste aller en ville, marcher, voilà, vivre ma vie d'adolescente, ce qui était complètement contraint par le fait que mes parents acceptent de m'emmener quelque part ou pas. L'enjeu quand on grandit dans un endroit comme ici, à l'adolescence, c'est d'avoir un scooter. Et quand t'es une fille, rarement on t'autorise à avoir un scooter. Donc après, l'autre option, c'est d'avoir un petit copain qui a un scooter. Et comme moi, j'étais pas très forte pour avoir des petits copains, je suis allée en internat, quoi. Et puis ensuite, Paris. Et là, Paris, ça a été hyper dur, quoi. Vraiment hyper, hyper dur. J'étais pas prête, quoi, pour ce niveau d'urbanité. T'en avais envie ? Ouais, mais j'en avais envie comme quelqu'un qui veut se prouver quelque chose. Mais je pense comme en fait plein de gens. Aller à Paris, c'est quand même à un moment donné aboutir à quelque chose socialement. C'est un peu le top, quoi, Paris. Un autre voisin. Paris, c'est le top. C'est une forme de réussite sociale, quoi. Mais indépendamment d'ailleurs de ce que tu fais à Paris, juste tu vis à Paris, c'est... Moi, j'ai l'impression, je suis pas très fière de le dire, mais que j'avais un besoin de revanche aussi vis-à-vis de ici. Des gens d'ici ? Ouais. Ouais, ouais. J'avais un besoin de prouver que je valais mieux, quoi. Que je valais mieux que ici. Et donc, aller à Paris, oui, c'est une façon très claire de manifester ça, quoi. Parce que, enfin, Paris, c'est l'incarnation de la domination. C'est-à-dire, quand on vient d'ici, si on doit parler des gens qui nous dominent, on parle des Parisiens. Enfin, vraiment. Et en même temps, si on doit tourner des gens en dérision, on parle aussi des Parisiens. Mais c'est pareil, c'est un truc de revanche, quoi. C'est un truc de dire qu'on n'est pas que des ploucs. Mais tout ça, je le dis aujourd'hui parce que je suis revenue et que j'ai revisité tout ce parcours-là. À l'époque, je ne le formulais pas du tout clairement. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses comme ça que j'ai faites sans les voir. Par exemple, le fait de changer ma façon de parler, le fait de faire énormément d'efforts pour changer ma façon de m'habiller, pour essayer de passer, quoi, en gros. Avec du recul, je me rends compte que ça m'a demandé énormément d'efforts et aussi quand même un certain niveau de détestation de moi-même. Mais je l'ai pas réfléchi, c'était une évidence qu'il fallait le faire. Dans ces années-là, on savait que ça finissait. C'était tout le temps dit, hein. Tout le monde autour de nous disait... On est les derniers Indiens. Marie-Hélène Lafont. Notre mode de vie, notre façon de travailler, ben, c'est plus valable. Voilà. Pour des raisons essentiellement économiques, hein, liées aux évolutions, politiques agricoles communes, etc. Donc c'est plus valable. Il va falloir s'adapter. Il va falloir changer. Voilà. Donc ça finissait. C'était menacé d'extinction. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de... penser, alors je le pense a posteriori, hein, je le pensais pas comme ça à cette époque-là, mais que quand on a 10, 11, 12 ans, là, 13 ans, qu'on est soi-même en pleine peau, quoi, hein, de sentir que tout ce qui est autour de vous est donné comme moribond, mon père disait on est périmé, hein, il employait le mot périmé. Enfin, il y a un électrochoc quand même là. Alors justement, moi j'avais pas le désir de fuir. J'avais pas besoin d'avoir le désir de fuir puisque je savais que je partirais. Vous voyez ? Ça s'est fait d'une manière très fluide à partir du moment où je suis rentrée à l'école. J'ai compris que je partirais par l'école. Voilà. Donc il y avait ça, certes, mais il y avait aussi que, ben, de toute façon, il n'y avait pas de place pour les filles dans les fermes. Si la ferme continuait, et elle était menacée de ne pas continuer, si elle continuait, elle continuerait par le garçon. Quand il y en avait un, et chez nous, il y en avait un. Donc les filles, il fallait partir. Sans savoir comment, etc. Mais je me disais que moi, plus tard, je vivrais par là-haut, quoi. Voilà. Dans la ville. Vous voyez, je me suis jamais dit, quand j'étais adolescente, « Ah, vivement qu'on se tire de ce trou !» Non. Je savais que, de toute façon, voilà, je partirais. Et une fois à Paris, vous étiez étudiante, jeune professionnelle. Déjà, vous n'avez jamais douté de réussir. Et vous n'avez jamais eu peur que le pays vous reprenne ? Alors, douter de réussir, comme vous y allez, bien entendu que j'ai douté de réussir. Surtout que j'étais, ça c'est très répandu aussi, j'étais boursière. Donc si je ne réussissais pas, vous voyez, si je redoublais une année, je perdais ma bourse. Et donc les études, c'était fini. Alors ça, c'était la panique, je peux vous dire. Hein. La peur, je l'avais tout le temps. Mais ce n'était pas une peur paralysante. C'était une peur qui faisait que j'étais frénétique au boulot. Hein. Mais j'avais peur tout le temps. Hein. Et le doute tout le temps. L'illégitimité définitivement chevillée au corps. Hein. Mais je l'ai encore aujourd'hui, je l'aurai toute ma vie. Donc la peur... j'avais pas la certitude de réussir. J'avais pas le choix. Et être rattrapée. Non, je crois que j'ai pas eu ça. Peut-être parce que je m'en suis défendue. Enfin, je me suis mobilisée pour ne pas être rattrapée. Donc, j'ai gardé la distance maximum. Par exemple, vous voyez, je suis professeur. Donc, il eût été très facile de demander un poste de professeur à Clermont-Ferrand, voire à Aurillac, voire à Saint-Flour, voire à Rieuse-Montagne, il y a un collège à Rieuse-Montagne. Et ben, j'ai jamais fait ça. Vous voyez, j'ai toujours gardé la distance maximum. Et la distance maximum, c'est ça s'est inscrit dans l'histoire de France, hein, c'est avec Paris. Je me suis arrachée, je suis partie. Mais je suis restée attachée. Mon attachement, il passe par d'autres canaux, vraiment beaucoup plus intimes, et qui sont très très présents dans ce que j'écris. Et les normes sociales auxquelles j'eusse pu être renvoyée, vous voyez, hein, c'est-à-dire avoir une existence qui réponde davantage à ce que les personnes de mon milieu pouvaient attendre. Et ben ça, non, ça j'ai toujours su que c'était pas négociable, quoi. J'offrais très peu de prise à ça, pour une raison essentielle. C'est que j'ai toujours dit, même dès l'âge de 12 ou 13 ans, que je voulais pas d'enfant. Donc, il y avait quelque chose de ce qui continue entre les générations qui passerait pas par moi. Et ça, vous voyez, c'était beaucoup plus en rupture avec toutes les valeurs vraiment hein, profondes du milieu d'où je venais. Milieu paysan dans lequel on continue, quoi. On a des enfants et il y en a un qui reprend, ça continue, on transmet. Moi, ce refus, mais radical, viscéral, organique, définitif de ce type de transmission-là, je l'ai eu très tôt. Je l'ai exprimé très tôt. Ça va. C'est Julien. Bah oui. Bah oui, parce qu'on est en train de se dire, on est longtemps qu'on ne l'a pas vu. Bah oui, c'est vrai. À quoi elle ressemble? Bah elle ressemble à ça. Voilà. J'ai un peu honte de me balader avec des journalistes. Voilà, on parle d'ici, du quoi? De Martigny. D'accord. De la région. De oui, comment ça, ce que ça fait de grandir ici. Oui. On t'a connue toute petite. Bah oui. C'est pour ça que j'ai dit, c'est peut-être Juliette, mais. Non, on va pas vous dire grand chose sur Juliette. Hein, parce... Bah non. Souviens-toi, et puis on t'a pas vu beaucoup non plus. Non, plus les parents des fois, mais. Ouais. Ouais. Voilà. Bonne balade. Oui. Merci. À vous aussi. À vite. À vous aussi. Bonne journée. Ouais. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. On y va, nous. T'as honte qu'on te suive. Bah non, c'est j'ai honte de poser un regard comme ça un peu extérieur à, ici, ouais. Bah, je pense que ça s'est entendu dans la réponse d'Eliane qui dit « Ah non, on n'a pas grand-chose à dire, on n'a pas grand-chose à dire, quoi. » Enfin, je sais pas comment dire autrement. Le fait que j'ai des choses à dire, ça traduit aussi... ça traduit une... une forme de distance, finalement. Une forme de rupture, quoi. Juliette Rousseau. Si j'étais pas partie, j'aurais pas grand-chose à dire non plus. Donc, peut-être ça traduit ça. Je sais déjà que pour beaucoup de gens, quand bien même je suis née ici, j'ai grandi ici, je suis pas d'ici. Mais... Pourquoi ? Parce que mes parents sont pas d'ici. Ils viennent d'où ? Ma mère, elle vient de Paris. Et mon père, il vient de Mayenne et des Côtes d'Armor. Donc c'est pas très loin. Oui, mais c'est pas ici. Ça reste des gens différents, je pense. Donc moi aussi, quelque part. Je sais pas si mes parents ils étaient très conscients de ça quand ils se sont installés ici. Enfin, je pense surtout qu'ils avaient décidé qu'ils n'en avaient rien à faire. Sauf que ça a eu des incidences quand même pour mes sœurs et moi. Et que la réputation de mes parents, qui perdure encore aujourd'hui, donc je continue moi de savoir, enfin d'avoir des retours. Elle a eu des incidences moi sur ma scolarité puisque j'ai vécu du harcèlement scolaire en fait pendant toute l'école primaire. J'avais beaucoup de difficultés à me faire des amis, clairement parce que ma famille ne correspondait pas à ce qui était attendu d'une famille d'ici, je pense. C'est-à-dire? Bah déjà, ils n'étaient pas agriculteurs. Ma mère était divorcée. J'allais pas au catéchisme. À l'époque, il y avait encore les majorettes. Moi, j'ai jamais fait les majorettes. Voilà, c'est des petites choses, mais qui en fait font toute la différence, je crois. Et oui, moi j'ai beaucoup souffert de ça. Donc, et quelque part, ça me paraissait évident, encore plus évident qu'il fallait que je parte. Mais sauf qu'en fait, c'est ça dont je me rends compte aujourd'hui. Là où tu grandis, c'est là où tu tisses ton rapport au monde, tu construis tes gammes sensorielles, affectives. Et quand je reviens ici, bah, je me rends compte que... c'est comme si j'étais rempotée au bon endroit. Je sais pas comment le dire autrement, mais il y a quelque chose qui s'exprime pour moi ici et quelque chose de moi qui ne peut s'exprimer qu'ici. Et que du coup, en fait, quelque part, c'est une grande violence qui t'est faite de grandir dans un endroit duquel tu dois ensuite te détacher. Je sais qu'il y a quelque chose de définitif dans le départ, même si le lien, encore une fois, est intense, voyez. Et le lien, il est tellement intense qu'au fond, je n'ai pas tellement besoin de le raviver. Vous voyez, je ne suis pas, et je ne le suis toujours pas d'ailleurs, hein, j'ai toujours un peu de mal quand je séjourne longtemps. Désormais, j'ai toujours un peu de mal à revenir. Alors, pardonnez-moi, ça va vous paraître un peu grandiloquent, mais c'est pour la beauté des choses, quoi. J'ai un peu de mal à quitter la beauté des choses, à la fin de l'été, à la Toussaint surtout. Alors là, la Toussaint, ça me donne envie de pleurer chaque fois, quoi. Parce que la Toussaint, c'est grandiose. Enfin, fin octobre, début novembre, là, c'est grandiose. Mais... j'ai pas peur que le lien se perde. J'oublierai rien. Je l'ai tellement dans la peau. Le pays, le paysage. Ouais, c'est un trésor. Je l'ai. Et puis ensuite, dès la fin de mes études, je commence à travailler, etc. Et je me dis, moi, plus tard, j'aurai une maison où je passerai autant de temps que je voudrai. Ça sera la mienne à moi. Je ferai ce que je voudrai dedans. Et... j'ai fini par l'acheter, cette maison, en 2006, et depuis que je l'ai, j'y passe 10 semaines par an. L'été, je suis là-haut dans le Fortin. Voilà. Et ici, là, sur la route sur laquelle on marche, donc il y a un peu plus loin, on ne le voit pas d'ici, un peu plus loin, il y a un méthaniseur. Il y en a un autre qui est en train d'être construit sur la commune là-bas, et donc il y a un projet de faire passer un tuyau de gaz entre les deux qui va passer juste sur cette route là. Je vous raconte ça parce que si vous regardez autour, vous allez voir que bon, il y a les éoliennes un peu partout, il y en a là, il y en a là, il y en a là-bas, il y a des méthaniseurs beaucoup, il y a de plus en plus des panneaux solaires sur les hangars agricoles. On est en pleine transition énergétique. Non, je rigole parce que en fait tout ça c'est de l'énergie qui évidemment n'est pas consommée ici. Et qu'en fait, pour moi, c'est comme on vient doubler la dimension productive du territoire. En plus des produits agricoles, maintenant, on produit de l'énergie. Et ça m'interpelle de voir à quel point c'est un territoire qui ne se définit qu'à travers sa capacité de production. Et c'est toujours une production vers l'extérieur. C'est ça qui est un peu le paradoxe d'un territoire comme ça, c'est que tu grandis ici en ayant l'impression que t'es une espèce d'enclave, de coin perdu, isolé du monde, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas plus relié au capitalisme et à l'international que la Bretagne industrielle, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, tout ce qu'on produit ici, les transporteurs, etc. En fait, on est complètement à la fois relié au monde et à la fois, je pense, une très bonne illustration de tout un tas de problématiques contemporaines qui sont communes. Mais on a toujours cette impression de... voilà, de venir d'un endroit comme coupé du monde, comme une enclave, quoi. Mais je pense qu'il y a quelque chose là du rapport à soi, enfin en tout cas dans l'identité, du rapport subjectif, on va dire, à soi-même et à nous, en tant que territoire, qui est important à comprendre, qui est que si on est complètement défini par cette capacité à produire et à produire beaucoup, ben, y a quelque part une espèce de verticalité qui tient là-dedans, quoi. C'est-à-dire, tant qu'on continue de produire, on joue son rôle dans le monde, on joue son rôle dans la partition collective. Et moi, il y a quelque chose que je trouve hyper triste là-dedans, et en même temps qui m'aide à avoir un peu plus de compréhension à l'endroit de pourquoi est-ce que ce territoire est aussi saccagé. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il n'a pas été possible pour nous de faire autre chose que ça. Vous voyez ? Ben, si tu restes ici, tu restes ici pour produire, quoi. Tu restes ici pour être un bon agriculteur, pour faire ce qui est attendu de toi. Et que, en fait, c'est pas par... comme je pense un certain imaginaire pourrait le convoquer, c'est pas parce que t'es en retard sur le monde, c'est pas parce que t'as pas compris que l'agriculture bio ça existait, t'as pas compris qu'il y avait quelque chose comme la crise climatique et tout. Non, c'est qu'il y a tout un système économique qui, de fait, te place à cet endroit-là. Concrètement, il n'y a rien d'autre à faire ici que ça, à produire. Et donc si tu restes, tu fais ce qui est attendu de toi, et c'est aussi de là que tu tires une forme de fierté. Faire de l'agriculture conventionnelle, je pense que c'est une façon d'habiter son identité, quoi. C'est une façon terrible et complètement destructrice et suicidaire d'habiter son identité, mais il faut comprendre que c'est quand même comme ça que c'est construit, quoi. On est un peu enfermé dans une certaine vision de nous-mêmes. On est enfermé dans une vision de nous-mêmes comme des péquenots, quoi. Je peux pas en dire autrement, mais... Alors, quand j'ai commencé à y passer beaucoup plus de temps, c'est là que j'ai commencé à constater la réciprocité de la relation, c'est-à-dire comment moi je les vois, mais comment eux me voient aussi. Et à avoir une confirmation de ce que j'avais plus ou moins flairé très tôt, à savoir que j'étais pas complètement une étrangère, puisqu'on savait d'où je sortais, mais j'étais quand même encore étranger. En ce sens que, voilà, j'avais acquis des manières d'être, des manières de faire, qui n'étaient plus du tout celles qui eussent été les miennes si j'étais restée là-bas, c'était évident. Et alors, inutile de vous dire que le processus que, disons, ça s'est confirmé à partir du moment où on a su, petit à petit, que je publiais des livres. Et que les livres que je publiais avaient pour matière ce lieu et ce milieu, c'est-à-dire eux. Voilà. Et là, je dirais pas que ça se complique. Si, ça se complique, mais ça ne se gâte pas. Vous voyez, au sens où l'orage pourrait s'y mettre, hein. Ça existe. Parce que écrire sur le lieu et le milieu d'origine, alors paysan ou autre, hein, il se trouve que dans mon cahier paysan, ça vous met toujours en position de trahir. Puisque surplomb, nostalgie, condescendance, éventuellement une forme de rage expiatoire, enfin bon, on peut décliner ça à l'infini, à l'infini. Évidemment qu'on est traversé par tout ça, donc il faut vraiment se tenir à carreau. Plus la matière est délicate, plus elle est difficile à saisir, plus elle est douloureuse parfois. Vous voyez, par exemple, encore une fois, Joseph, c'est un roman dans lequel je raconte la vie d'un ouvrier agricole qui se tue de boisson. Bon... si je me mêle d'écrire ça, c'est pas pour, vous voyez, le livrer, le Joseph en question, au surplomb condescendant d'un public citadin et lettré. Faut que ça se tienne, politiquement, faut que ça se tienne. Donc, non, pas, j'avais pas du tout l'ambition de représenter, mais la nécessité de ne pas trahir et le désir de... D'inscrire une trace des vies minuscules. Comme beaucoup d'enfants de la classe moyenne rurale, j'ai eu besoin d'aller à Paris pour prouver que moi aussi, je comptais. Dissiper mon accent, changer mon apparence, mes références. Tu avais fait la même chose avant moi. Après quelques années, il s'est avéré que c'était plus facile de gagner sa place en ville. Mais je n'ai jamais rencontré une seule personne qui était née à Paris même. Celles-là savent bien faire la différence entre elles et les autres. Je me suis entourée d'amis qui avaient suivi le même chemin que le mien, de l'humilité de la campagne à l'arrogance de la ville. Et au bout d'un moment, il nous a été possible de croire que nous étions à la bonne place, que nous avions réussi. Ne me demande pas pourquoi je suis revenue, je n'en sais encore rien. Je sais que ma verticalité tient en partie à l'expression des saisons. Qu'à Paris, j'avais fini par habiter dans un petit appartement en banlieue avec un jardin minuscule où je courais me réfugier au printemps sitôt le travail fini. La vie têtue, Juliette Rousseau. Moi, je suis à un endroit compliqué parce que, enfin, compliqué. En tout cas, je suis dans un entre-deux. Je peux pas dire, je suis pas chasseuse, je suis pas fille de paysan, d'agriculteur. J'ai grandi ici, mais j'ai toujours grandi ici avec. Enfin, j'ai grandi ici dans une famille qui avait une conscience écologique et un regard critique sur tout un ensemble de pratiques ici. Ma trajectoire à moi, en me réinstallant ici, quelque part, c'est de, d'une certaine manière, me distancer en partie d'un certain regard un peu condescendant sur ce qui fabrique la campagne. De voir aussi que la campagne n'est campagne que parce qu'il y a la ville, quoi. Je prends l'exemple des Ragondins, qui est un exemple que j'aime bien, pour parler de justement le rapport différencié ville-campagne et aussi des trucs sur lesquels moi je suis pas à l'aise. Il y a quelques années, il y a eu une grosse manifestation d'agriculteurs un peu partout, et à la manifestation de Nantes, il y a des agriculteurs qui ont ramené des caisses avec des ragondins vivants, qui les ont lâchés dans la rue, et qui les ont peints, qui leur ont roulé dessus, qui les ont tués, voilà. Donc l'idée, c'était que les ragondins représentaient les taxes. Les taxes sont nuisibles, les ragondins sont nuisibles, voilà. Donc ça a été médiatisé au niveau national, des associations de défense des animaux se sont mobilisées, etc. C'était de la torture, effectivement c'était de la torture. Hein. Mais les ragondins, ici, il y en a plein, ils se multiplient, enfin ils envahissent tout. Pardon, l'imaginaire de l'envahissement n'est pas forcément génial. En tout cas, ils se multiplient et ils abîment les cultures, etc. Ça, c'est une réalité. Et ce qui est aussi une réalité, c'est qu'en fait, tout, autant au niveau français qu'au niveau européen, les agriculteurs sont plus qu'encouragés à tuer les ragondins. On s'en fout de comment on les tue. Il faut les tuer, c'est tout. Il faut les tuer. Dès qu'on en voit un, il faut le tuer. Ça, c'est le quotidien. Et ça gêne absolument personne. Et par contre, le jour où on va le faire dans la rue, sous les caméras, alors là, tout d'un coup, ça devient horrible. Mais le fait de tuer des animaux, qu'il s'agisse de ragondins qui sont considérés comme des nuisibles non productifs, ou des vaches, ou des cochons, ça, c'est juste la réalité d'une campagne comme celle-ci, mais c'est aussi ce que toute la société attend de cette campagne. Et donc ce rapport à la mort qu'on peut trouver horrible quand il nous est montré, il sert absolument à tout le monde. Vous comme moi, en fait, notre vie dépend du maintien de cette forme de production. Notre vie telle qu'elle est aujourd'hui, je ne dis pas que c'est une production nécessaire, au contraire, je voudrais que ça change. Mais le fait est que pour pouvoir acheter de la bouffe en supermarché, à un moment donné, il faut bien qu'elle soit produite de cette façon-là. Et je trouve, en tout cas, que la posture qui consiste à dire c'est un problème, mais quelque part à être complètement en déconnexion de ce que ça implique de faire de l'élevage, de faire des cultures, et aussi d'entretenir ou de, je sais pas comment dire, de maintenir un milieu vivant qui produit de la bouffe, ben c'est une posture qui me paraît un peu facile ou un peu rapide et qui, je pense, souvent est aussi vraiment alourdie par une perception de la ruralité assez méprisante. Et que aussi, il faut quand même le dire, c'est qu'en fait, pour que ça change, il faudrait qu'on soit beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux en France à être agriculteurs et agricultrices. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de faire ça aujourd'hui. Hein. Les vieilles avaient des yeux de poule. Elles n'étaient pas méchantes, elles avaient vécu autrement. Elles savaient comment il faut vivre, elles le croyaient. Elles avaient tenu les maisons de leurs mains diligentes et tôt usées, tenu les maisons et élevé les enfants. Elles avaient dû compter avec l'homme et servir sous lui dans les travaux de la nuit. Quelques-unes avaient eu des amants ou un amant, le même, longtemps. Les plus ardentes du ventre, sans doute, ou les plus mal mariées, ou celles qu'une mère n'avait pas dressées comme les autres, dressées à rester dans le rang, à y tenir sa place, sous le regard de tous et de chacun, reconnue et admise parce que semblable et conforme. Marie-Hélène Lafon, Le soir du chien. Quand j'ai écrit Le soir du chien, enfin quand je l'ai publié, puis écrit, je n'avais pas du tout, mais alors du tout, hein, anticipé qu'il serait lu là-bas. Du tout. Je le publie à Paris, je pensais que voilà, il serait lu par 32 personnes à Paris. Alors la fille Lafon, elle a publié un livre. Ah ben. Donc, à la maison de la presse, ils l'ont fait venir. Et donc, les gens l'ont lu. Alors, si vous voulez, la perception en a été mitigée. À la fois, d'emblée est apparu quelque chose qui était de l'ordre, parce que le livre a été distingué, repéré, etc. Donc, est apparu quelque chose qui était de l'ordre de « Ah ben, c'est bien, on parle de nous, voilà, c'est bien ». Il a eu le Renaudot des lycéens, par exemple, ce livre. Alors, j'ai reçu, je m'en souviens, j'ai reçu une carte de visite du conseil municipal qui me félicitait, vous voyez. Ou bien, ça je m'étais dit, mais c'est fou, le directeur du Crédit Agricole avait téléphoné à mes parents pour les féliciter comme si je venais de faire ma première communion. Vous voyez, j'en avais quand même 40 ans, donc, ou 39. Donc voilà, il y avait une sorte de reconnaissance de cet ordre-là, mais à côté de ça, il y avait des petites mesquineries, des gens qui étaient vexés parce qu'ils avaient l'impression que là, c'était d'eux dont il était question. Donc ils disaient à ma mère, quand même, votre fille, elle exagère. Vous voyez, des crispations comme ça, mais qui étaient légères, mais qui étaient là quand même. Donc je peux vous dire, j'ai mis en place des stratégies. Donc je fictionne. Et je fictionne d'une façon telle qu'il n'y a que moi qui peut démêler les fils, en quelque sorte, de l'écheveau. Voilà. Et jusqu'à présent, bon, c'est arrivé qu'il y ait des collisions partielles, mais jusqu'à présent, ça a absolument toujours évité le fait que les personnes devenues personnages se sentent vilipendées, clouées au pilori, ou montrées sous leur jour le moins favorable. Voilà. Hein. Bon. Alors, en même temps, dans un livre comme Les Derniers Indiens, par exemple, hein, je ne fais grâce de rien. Hein, je veux dire par là que mes livres sont quand même. C'est une vision du monde paysan, pour le coup, et du monde rural, mais surtout du monde paysan, qui n'est absolument pas idéalisé. Hein. Qui n'est pas exemple d'une certaine âpreté, c'est âpre, c'est rugueux, les questions de solitude, les vieux garçons abondent, parce qu'ils abondent, hein. Et leur solitude, et tout ce qui va avec. Voilà, c'est très très présent dans mes livres. Mais jusqu'à présent, je touche du bois, ça n'a pas posé de problème de perception. Je crois que c'est dû à la langue. Je suis une Parisienne, mais pas une vraie. Voilà, c'est ça. Quand les affaires tournent mal, comme ça a été le cas, là, hein, eh bien, c'est quand même très, très lié à... Oui, le sentiment d'être méprisé, d'être humilié, d'être renvoyé à ce qu'il y a de plus douloureux en soi, de plus... Notamment la question de la boisson, la question de l'alcool. Ça, c'est vraiment une sacrée question. Et qu'est-ce qui est violent, alors, qu'un Parisien porte un regard sur les gens du coin ? C'est que on se sent jugé, je crois. Vous voyez, dans ces microcosmes des communes, des hameaux, voilà, on a toujours connu comme ça, vous voyez, deux ou trois, enfin un petit volant de poivreaux traditionnels. Voilà, on a les siens, on les connaît, on sait qui ils sont, on connaît leurs excès. Parfois même, on les retrouve morts dans le fossé. Ils font partie du paysage, mais que quelqu'un viennent les regarder de l'extérieur, hein, et célébrer leur haut fait, alors ça, c'est perçu comme insupportable. Parce que c'est perçu comme livrant en pâture une façon d'être, voilà, qui n'a pas à être jugée. Et dont on ne supporte pas le regard extérieur. Et, si vous voulez, évidemment, hein, on boit dans les villes. Hein, mais, par exemple, ça me frappe beaucoup. Quand on voit dans le métro, on en voit des gens qui vivent à la rue et qui tiennent parce que ils boivent. Voilà. On les voit, mais ils nous restent. On ne sait pas qui ils sont. Ils font pas partie du petit microcosme du village ou du hameau. Tandis que là, ils en font partie. Et ils sont des leurs. Voilà. Et les disséquant comme on le fait dans un texte littéraire, les livrant comme on le fait dans un texte littéraire publié, eh bien, au fond, c'est tout le groupe dont ils font partie, que l'on livre. Ils appartiennent, ils font partie. On sait de qui ils sont les fils, on sait de qui ils sont les frères, on sait de qui ils sont même parfois les pères ou les maris. Il n'y a rien de plus fragile que la question de l'alcool, la question de la crasse, la saleté, vous voyez, la saleté des, alors éventuellement les intérieurs ensauvagés des vieux garçons, ou bien des fermes dans lesquelles les femmes en peuvent plus, quoi. Elles sont éreintées, donc elles n'arrivent plus à faire face, et donc la crasse monte. Donc la crasse, la saleté, avec sa version la plus visible et odorante, à savoir le fumier. Question toujours très délicate. Et il y a évidemment l'autre corde très très très très sensible, et c'est la question des adultères. Voilà. Des affaires de peau entre les uns et les autres, dans les communautés un peu fermées comme ça, un peu closes, où tout le monde connaît tout le monde et où tout le monde surtout voit ce que fait tout le monde. Vu que vous ne pouvez pas lever le petit doigt sans vous déplacer avec votre voiture, donc on vous voit. Alors là, évidemment, c'est un champ de possibles infinis. Et c'est extrêmement délicat. Ce sont trois matières très délicates. L'argent aussi. La forêt nous a toujours fait face. Enfant, adolescente, puis adulte, elle nous a abrités. Nos jeux, nos amours cachés, nos solitudes, nos tristesses profondes, la forêt soigne, la forêt remédie. Maman nous a appris ça. En été, elle est cet horizon gorgé d'air, ce balancement continu, sombre et profond, qui vient mettre un terme à l'inanité des champs de maïs. Je sais que ce n'est qu'une illusion d'optique, et que c'est le maïs industriel qui met un terme à la forêt. Mais je garde la perspective intacte, pour me ceindre le cœur les jours où j'en ai le plus besoin. La forêt, qui a toujours été la nôtre sans jamais nous appartenir, disparaît progressivement. Exploitée, aménagée, elle aussi se meurt. Régulièrement, je retourne l'arpenter. Je tiens un inventaire mental à chaque passage. Je repère qui est encore là et qui a disparu. Parfois, ce sont des pans entiers qui tombent, bientôt remplacés par des alignements de petits sapins sordides. Un arbre est égal à un arbre, disent ceux qui ne savent que compter. Depuis longtemps, on cherche à nous en empêcher l'accès. Fils barbelés, annonces dissuasives à l'entrée des chemins, gardes forestiers en embuscade. J'ai grandi en voyant mon père couper les fils barbelés, retirer les pancartes chasse gardée, forêt privée, tourner en dérision les gardes maussades et retourner inlassablement dans la forêt. La vie têtue, Juliette Rousseau. Les gens d'ici, ils ont lu ton livre ? Alors oui. Mais personne ne m'en a parlé. T'as compris pourquoi ? Non. Mon hypothèse, c'est que c'est par pudeur. C'est pas troublant, ça, de les croiser ? Ce qui est troublant, c'est plus d'avoir l'impression du coup que tu écris pour des gens qui sont très loin de toi. C'est plus ça, en fait. Des gens de la ville ? Ouais. Moi, j'étais terrorisée, et je le suis toujours un peu, à l'idée que d'écrire, ça reconvoquerait un imaginaire, justement, bah, cet imaginaire un peu binaire sur la campagne. C'est-à-dire soit un truc un peu romantique, bucolique, soit un truc assez méprisant sur ces gens qui sont un peu désarriérés, quoi. C'était important pour moi de vraiment éviter cet écueil-là. Et j'ai fait ce que j'ai pu dans l'écriture pour l'éviter, mais je sais pas comment c'est reçu. Je me vois là, je m'entends et je me dis oh, j'espère que les gens ici vont pas écouter ça. Ouais, c'est compliqué. Hein. Pourquoi ? Bah encore une fois, parce que je pense qu'on n'est pas censé parler. Je croyais un truc comme ça, en fait. Aussi basique que ça. Parce que... quand même, un des propres de la ruralité, c'est le fait que tout le monde se connaît. Et donc, en fait, quand tu dis quelque chose, ça a des incidences sur... je pense, potentiellement plus fortes que quand tu vis en ville. Enfin, dans un tissu social, humain, où tout le monde ne se recroise pas tout le temps et où la réputation n'est pas si importante que ça. En grandissant ici, j'ai grandi avec un endroit qui est chez moi. Alors avec toute la complexité de pas forcément être reconnue comme une autochtone. Mais n'empêche que c'est chez moi. Et c'est chez moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même après être partie, toute ma vie d'adulte, je suis revenue régulièrement ici. Pas juste sur des week-ends ou des vacances, je suis revenue habiter ici régulièrement. Et que tous les moments dans ma vie où j'ai été en galère, soit parce que j'avais plus de fric, soit parce que j'allais pas très bien, bah, je suis toujours revenue ici en fait. Et c'est toute l'ambivalence de ce truc-là qui est que c'est un chez-soi compliqué, où on grandit avec l'idée qu'on n'y restera pas, mais en fait auquel on est profondément attaché. Et ça n'est pas que quelque chose d'affectif ou de symbolique, c'est aussi quelque chose de matériel, dans le sens où, très prosaïquement, moi quand je reviens dans le hameau de mon enfance, où il y a de la place, où il y a de l'espace dans les maisons, dans les jardins, et dont aussi mes parents et d'autres sont propriétaires. Et c'est pas forcément la vie la plus valorisée au sens sociétal. En tout cas, c'était pas comme ça que je me suis représenté la réussite quand j'étais adolescente. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on me l'a présenté non plus. Mais il n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est une vie qui a plus de sens finalement que celle que j'ai pu avoir par le passé. Et je pense qu'une enfance rurale, ça peut... ça n'est pas automatique, mais ça peut aussi produire ça. Ça peut aussi produire un ancrage. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Avec Marie-Hélène Lafon et Juliette Rousseau. Un grand merci à Luc Baptiste, Leïla Kourousselikoua, Claire de Sauras, Camille Sebaer et Brigitte Costaz. Prise de son, Yann Frécy et Jeffrey Marianne. Mixage Sébastien Royer, documentation Anne-Lise Signoret, attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Perrine Kervran. Le complexe rural, quatrième épisode, Choisir de revenir. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Gaëlle Gillon.